Suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Je suis noire et je n'aime pas Beyoncé, une série d'Axel Janjike réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Au départ de cette série, il y a l'histoire du féminisme et son infinie richesse, et puis ces féminismes noirs et francophones dont souvent on ne connaît pas l'histoire, comme on ne connaît pas assez les vies des femmes noires de France en général. Alors pour commencer, les personnages. Une militante solidaire, une autrice qui a sauté le pas, une journaliste qui a inauguré, une autrice qui fait l'unanimité, une femme qui s'est sentie concernée, une ancienne de la coordination des femmes noires et une chercheuse contre l'amnésie. Ensuite, le décor. L'amitié, la sororité, une revue pionnière, un tube, le MLF, Beauvoir, les livres d'Awa Thiam et Maria Maba, des statues, des noms de rue, la Sorbonne et la littérature. Aujourd'hui, troisième épisode, on parle de solidarité. On doit être solidaire de toutes les femmes, même si on ne partage pas les mêmes points de vue. Si une femme est opprimée, violentée quelque part, on doit être solidaire de cette femme-là. Juste parce que c'est une femme comme nous. Quelle que soit sa race, quel que soit le pays d'où elle vient, juste le fait qu'elle est une femme comme nous, même si on ne partage pas les mêmes idées, le fait qu'elle vive ça, on doit être solidaire, je pense. C'est ça, non, la sororité. Voilà, c'est soutenir aussi, c'est soutenir entre femmes dans notre lutte féministe. Moi, je dis sœur, oui. Quand nous allons dans la même direction, dans la même démarche, je dis qu'on ait de l'empathie pour ce que vivent des femmes un peu partout dans le monde. Ça, je peux. Si on voit ce terme dans ce sens-là, je veux bien l'admettre. Mais moi, je me dis, dans le combat qu'on mène, il faut essayer aussi de faire en sorte que ces personnes qui, à ce jour, sont pas sœurs, qu'on puisse faire en sorte qu'un jour, elles deviennent de vraies sœurs. Vu comme ça, je veux bien l'admettre. Mais pris de but en blanc et dire que toutes les femmes sont mes sœurs, je dirais, nous n'avons pas la même conception de la notion de sœur. Parce qu'une sœur, pour moi, ça représente beaucoup. Une sœur, c'est là-dedans. C'est un terme que, sous sa forme anglophone, sisterhood, circule depuis des décennies et des décennies. Tout dépend de comment est-ce qu'on l'emploie, mais à titre personnel, quand je parle de sororité ou de sisterhood, c'est pour dire que ça, je m'identifie aussi d'un point de vue sentimental, émotionnel. C'est que je suis touchée, on est touchée, on se sait par nos luttes, on se sait par nos douleurs, parce qu'on se parle, parce qu'on échange. Et donc, il y a un sentiment de sororité qui se met en place, mais qui passe aussi beaucoup par l'émotionnel. Une noire peut en cacher une autre. Je ne suis pas de ces personnes qui croient aveuglément en leur talent et qui se disent que voilà, ce que je vais écrire, eh bien, sera bien jugé. Maria Maba, 1980. Alors, j'ai longtemps hésité à écrire. Et heureusement que j'ai une amie, une grande sœur, Annette, avec laquelle je milite dans les associations féminines et qui tout le temps, m'exhortait à écrire en me disant, eh bien, tu as des dons, c'est certain que tu n'exploites pas. Il faut écrire Mariama. Et pour m'avoir, elle est venue me dire un jour que le comité, que la ONC, au comité de lecture de nouvelles éditions africaines, dont elle est membre, que j'allais leur donner un livre. Et alors que ce livre n'existait pas encore. Comme je le raconte, j'ai imaginé ces messieurs, parmi lesquels elle était seule femme, lui demandant à la prochaine réunion, « Hey, le livre de ton ami !» Alors, pour éviter qu'on se glose encore des femmes, j'ai écrit une si longue lettre. Et c'est pourquoi je lui ai dédié l'ouvrage, parce qu'en quelque sorte, elle m'a aidée à prendre confiance, à oser ce que j'hésitais de faire, ce que je pensais de faire depuis longtemps et que j'hésitais de faire. Annette, c'est Annette Baye d'Erneville, elle aussi une pionnière, la première femme journaliste d'Afrique francophone, fondatrice du magazine AWA, premier journal féminin dirigé et administré entièrement par des femmes africaines. Si Maria Baba dédie une si longue lettre à son amie Annette Bay d'Erneville, c'est que son ouvrage est également un très beau texte sur l'amitié entre femmes, celle qui lie Aïssatou à Ramatoulaye et leur permet de faire face depuis la prime enfance aux aléas de leur vie respective, mais également aux joies que celles-ci comportent. Si la solidarité entre femmes est depuis longtemps une valeur essentielle dans les cultures africaines, au point de se traduire par l'interpellation « ma sœur » dans la bouche d'une femme noire, faisant d'une autre femme noire, elle aussi, d'emblée une sœur, c'est l'expérience d'une proximité entre femmes plus politique, moins directement intime, qui est aujourd'hui au cœur du féminisme. C'est au nom de la sororité qu'il est bon de se rassembler en véritables sœurs destinées à la même mission émancipatrice. Alors, c'est vrai que le terme de sororité, il n'est pas de 2020, hein, 2021. Fatoussou, sociologue. C'est un terme ancien. Vous savez, dans les années 80, les femmes qui n'étaient pas les femmes du monde occidental, quand elles se sont rendues compte qu'il y avait d'autres femmes dans le monde et que peut-être que des préoccupations pouvaient être communes, il y a de Sisterhood is Global, qui est l'ouvrage paru en 1980, édité par Robin Morgan, qui était une féministe américaine, où chacune racontait ses perspectives. Et Robin Morgan et les femmes à ce niveau-là pensaient que on pouvait avoir, à partir d'histoires différentes, arriver vers un destin commun, et ce destin commun pourrait être soutenu par cette sororité. Ce terme de sororité, le concept lui-même était un concept nouveau, sans doute à cette période-là, qui vient certainement de toutes ces sororités qu'on avait dans les universités américaines, comme les fraternités, d'où le concept qui naît, qui se répand après dans le reste. Mais dans les sociétés africaines, ces relations de sororité étaient des relations qui existaient réellement. On était de la même classe d'âge, mais de la même classe d'âge en tant que fille. Donc cet aspect de la sororité, quand je l'ai retrouvé dans les années 80 dans le mouvement féministe, c'était quelque chose qui me parlait, parce que même si moi-même je ne faisais pas partie d'une sororité de classe d'âge que l'on avait dans les villages, mais on l'a retrouvé à travers toutes les organisations formées autour des institutrices, des sages-femmes. Donc c'est cette idée, cette notion, elle est, j'allais dire, elle est africaine, mais elle est humaine. Et je pense qu'aujourd'hui, recréer les sororités reste extrêmement important. Je dirais que c'est peut-être une notion qui part d'un présupposé d'unicité dans le genre. Gertie Dambury, 64 ans, féministe non orthodoxe, profession plume, acide et rêveuse. Quelle sororité est-ce que j'aurais envie d'avoir avec Marion Maréchal Le Pen? Je vois pas bien. Alors après, il y a d'autres choses comme la bienveillance entre femmes, entre les militantes, des choses comme ça, qui sont importantes, mais qui me gênent un peu. C'est-à-dire toutes ces notions de care, tout ça, ça, moi ça me gêne un peu. Je sais pas. J'ai pas envie que le féminisme, ça devienne une espèce de secte. Bon, voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que je vais être désagréable. Je pense que c'est vraiment quelque chose à encourager. Mais en fait, le problème, il est dans la sincérité. Il est dans la franchise. Diéretou Diallo, consultante en communication digitale. Prendre des jeunes femmes de son entourage ou même des amis, en faire des sœurs, s'épauler, s'entraider, se tirer vers le haut, casser le plafond de verre, c'est tout ce que je nous souhaite, mais vraiment dans la sincérité et dans la franchise, quoi. Parce que si c'est juste sororité, parce que c'est bah du coup c'est trendy, parce que c'est fun, parce qu'en ce moment c'est hip, non quoi. Je suis totalement à fond, mais vraiment si c'est pour toutes collectivement nous mener à une place sous le soleil. We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have. Nous apprenons aux filles à se diminuer, à se sous-estimer. Nous leur disons, tu peux être ambitieuse, mais pas trop. Tu dois viser la réussite, mais pas trop. Tu dois viser la réussite sans qu'elle soit trop spectaculaire. Sinon, tu seras une menace pour un homme. Comme je suis une fille, on s'attend à ce que j'aspire à me marier. On s'attend à ce que je fasse des choix en gardant toujours à l'esprit que le mariage est ce qu'il y a de plus important. Le mariage peut être une bonne chose, une source de bonheur, d'amour, d'entraide. Mais pourquoi apprenons-nous aux filles à y aspirer et non aux garçons? Nous apprenons à nos filles à considérer les autres filles comme des concurrentes, non dans le travail ou pour se réaliser, ce qui serait une bonne chose à mon avis, mais pour susciter l'intérêt des hommes. Nous apprenons à nos filles qu'elles ne peuvent pas être des êtres sexuels au même titre que les garçons. Nous sommes tous des féministes. Chimamanda Ngozi Adichie, 2015. En 2018, lorsque Beyoncé sample dans son titre Flawless un extrait de ce qui n'est alors qu'une intervention pour TED, vue par quelques milliers de personnes, elle propulse sur la scène mondiale la jeune autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. En l'espace de quelques jours, le propos féministe, incarné, pragmatique et accessible de cette jeune femme fait le tour de la planète, faisant d'elle du jour au lendemain une référence pour les féministes du monde entier. À tel point qu'aujourd'hui encore, lorsqu'on demande à la jeune génération féministe africaine de citer le nom d'une féministe emblématique, Chimamanda, c'est la première qui me vient. Je sais, c'est facile, mais vraiment c'est la première qui me c'est peut-être aussi générationnel, hein. C'est la première qui me vient à l'esprit. Ça a été un déclic quand j'ai découvert Chimamanda en 2014 et que j'ai lu ses romans, et quand elle a publié Nous devrions tous être féministes, je me suis dit c'est là que ça se passe. Dei Fatoukan, chercheuse en études sur le genre à l'EHESS. Et surtout en ayant une représentation d'une jeune femme qui est presque de la même génération que moi, qui porte un discours accessible en déconstruisant beaucoup de choses, bien qu'elle est nigériane et moi sénégalaise. Mais j'ai eu une sorte de, peut-être pas de révélation, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé quand j'ai écouté Chimamanda. Je dirais d'abord Chimamanda, toutes les femmes africaines aujourd'hui qui s'intéressent au féminisme ont entendu parler d'elle, ont lu ses écrits. Penaï Traoré, journaliste indépendante. Je pense que c'est la première qui a fait que j'ai osé accepter que je suis féministe. Je me suis dit, je suis féministe, moi aussi, si elle pense comme ça, moi, je peux remettre en question tout ce que j'ai reçu comme éducation. Donc, je suis féministe aussi. Donc, Chimamanda, c'est vraiment celle qui m'a ouvert la voie. Bien avant Chimamanda Ngozi Adichie, parmi les anglophones, c'est la noire américaine Bell Hooks, professeur et activiste, qui ouvre la voie et écrit une page majeure du féminisme mondial en 1981 avec la parution de son ouvrage « Ne suis-je pas une femme ?». Le titre, inspiré d'un discours célèbre de l'abolitionniste afro-américaine Sojourner Truth lors de la Convention des droits de la femme de 1851, évoque la lutte de longue date des femmes noires pour la prise en compte de leur humanité. Offrant une meilleure compréhension de l'implication des femmes afro-américaines pour le mouvement états-unien, Bell Hooks avance que la femme noire a un rôle central dans la reformulation et l'approfondissement de la pensée féministe, car elle apporte son regard à partir de sa place sociale. Dans l'espace francophone, c'est la Sénégalaise Awa Thiam qui, dès 1978, dans son ouvrage « La parole aux négresses », articule quant à elle la théorie de l'intersectionnalité pour parler des femmes qui sont à la croisée de plusieurs oppressions. Un an avant la publication du roman de Mariam Abba, Une si longue lettre, elle donne la parole à des femmes africaines qui parlent à la première personne du singulier. Pour la première fois, des femmes du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de Guinée, du Ghana, du Nigeria ont accepté de parler en toute liberté et avec une sincérité bouleversante. Peut-on lire en quatrième de couverture. Longtemps, les négresses se sont tues. N'est-il pas temps qu'elles redécouvrent leur voix, qu'elles prennent ou reprennent la parole, ne serait-ce que pour dire qu'elles existent, qu'elles sont des êtres humains, ce qui n'est pas toujours évident, et qu'en tant que telles, elles ont droit à la liberté, au respect, à la dignité. La parole aux négresses, Awa Thiam. Paris, 1978. Kawacham, pour moi, est l'une des premières, avant même qu'on parle d'intersectionnalité, de Kimberly Crenshaw, etc., qui a fait une analyse sociologique croisée des souffrances des Africaines, parler d'infibulation, d'excision, de mariage forcé, de polygamie. Malgré les promesses d'autonomie, que laissaient présager les indépendances, ce livre-là montre que les Africaines ont souffert et continuent de souffrir. Kawacham, je l'ai découverte dans mes recherches quand je travaillais sur le sujet du féminisme, sur mon podcast. Et quand je suis tombée sur cet ouvrage, je me suis dit, enfin, je trouve un livre qui parle des femmes africaines. Parce qu'à un moment donné, j'étais en train de désespérer, quoi. Je me suis dit, mais il n'y a pas d'écrit sur les femmes africaines, sur ces questions-là, ou qu'est-ce qui s'est passé, ou c'est moi qui n'ai pas j'ai pas les bonnes adresses pour pouvoir retrouver ces livres. Voilà. Et quand je suis tombée sur ce livre, je me suis dit, bingo, je vais avoir des informations, quoi. Et son livre, il est complet quand même. C'est pas un roman, c'est une enquête. Elle est allée sur le terrain, elle a rencontré des femmes. Elle a même rencontré aussi des hommes pour avoir leur avis sur cette question. Donc, c'est un livre très complet. Je pense que quand c'est sorti, c'était quelque chose de peut-être révolutionnaire en son temps. De voir une femme africaine qui abordait de front ces problèmes-là. C'était pas encore arrivé, je pense, avant elle. La parole aux négresses, je dirais que c'est le premier livre qui m'a fait vraiment prendre conscience d'un féminisme africain. Bintou Mariam Traoré, chargée de communication du projet Jeunes Féministes d'Afrique de l'Ouest. Pour anecdote, le premier livre féministe que j'ai reçu, c'était de mon père. Mon père a une grande bibliothèque, il lit un peu de tout. Et un jour, comme ça, par hasard, il m'a donné un livre qu'il ne lisait pas apparemment. C'était un livre de Simone de Beauvoir, féministe française. Il me l'a donné juste pour lire et je l'ai lu. Et honnêtement, je me suis arrêtée à la moitié du livre parce que c'était bien, mais... Déjà, j'étais pas d'accord avec certaines choses, je ne me reconnaissais pas dans certaines choses et en plus, je savais même pas de quoi elle parlait, de quelle localisation, de quelle ville, de quel quartier. C'était quelque chose qui m'était complètement étranger. Et j'ai lu La parole aux négresses et je me suis sentie tout de suite vraiment captivée et concernée. Les négresses ont-elles déjà pris la parole? Se sont-elles déjà fait entendre? Oui, quelquefois, mais toujours avec la bénédiction des mâles. Leur parole n'avait alors rien d'une parole de femme. Elle ne disait pas la femme. Elle ne disait ni ses luttes, ni ses problèmes fondamentaux. Jadis, des négro-africaines ont eu leur mot à dire quand il fallait prendre des décisions de grande importance. Dans cette période, j'étais rédactrice en chef d'une revue qui s'appelait Famille et Développement. Marie-Angélique Savané, sociologue. Donc, à ce titre, depuis 1974-1975, nous avions eu à travailler sur les mutilations génitales. Et lorsque le livre de Kawacham est paru, pour nous, on était déjà dans le débat. Et c'est vrai que le livre a eu un impact énorme en Europe, parce qu'à la fois, elle posait non seulement la problématique des mutilations génitales, mais aussi elle disait à nous d'en parler. C'était à nous, femmes africaines, d'en parler. Et je crois que c'était le message peut-être qui a marqué le plus en Europe. Et on a cru que ce débat était nouveau. Or, ce débat, en fait, il date de bien longtemps. C'est-à-dire les premières femmes qui ont eu à parler d'émancipation des femmes avaient commencé aussi à trouver les moyens de comment faire pour réduire ce genre de pratique. Ce qui fait que l'impact n'a pas été le même du tout en Europe et en Afrique, d'autant plus qu'en 1977 déjà, nous avions créé la première association des femmes africaines chercheurs qui posait cette problématique parce que parmi ces femmes, beaucoup avaient été excisées. Et donc, elles avaient vécu ces situations, on pouvait en parler. Et on a eu longuement à parler de tout ça, faire des émissions dans les radios, dans les télévisions, dans toute l'Afrique francophone. Je connaissais Kawacham, mais je savais qui elle était, parce que bon, le milieu sénégalais est un milieu relativement restreint autour duquel les femmes s'agitent. Elle était dans un mouvement de jeunes femmes noires vivant en France. Donc quand son ouvrage sort, il sort avec une très grande force. Il est préfacé par Benoît de Groult. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, il a été très vivement critiqué par les hommes, bien sûr, mais également par plusieurs femmes, notamment des femmes qui étaient ses amies. Et pourtant, son ouvrage, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, dont je parle dans ce que j'écris, comme l'un des premiers textes qui sont en tout cas au Sénégal avec une expression féministe. Il y a eu des choses qui sont faites avant, mais la manière dont elle présente les questions, la manière dont elle fait le bilan critique de cette indépendance, qui au fond parle d'un certain nombre de problèmes mais ne parle jamais ou très peu des femmes, elle met l'attention sur l'oppression proprement dite des femmes dans la société. Elle parle du mariage forcé, du mariage précoce, de la polygamie, de la fécondité. Donc toutes ces questions qui sont des questions que nous vivons, qui sont encore présentes, bon, plus ou moins atténuées, mais qui sont quand même là, ont eu un écho très très fort, parce qu'en plus elle rajoutait l'excision, le blanchiment dans la peau, dont nous ne parlions pas, nous assistions à son développement, mais personne n'en parlait. Donc c'est cet ensemble de critiques des institutions sociales, intellectuelles et politiques du point de vue de la femme, c'est ça qui était important dans le livre de Artyam. Et elle ajoute, j'ai retenu ces phrases, Awa disait, alors que les femmes des pays industrialisés concentrent leurs efforts, entre autres, sur la recherche et la création d'un discours typiquement féminin. L'Afrique noire et ses filles en sont, elles, au stade de la recherche de leur dignité, de la reconnaissance de leur spécificité d'être humain. Ça souvent déplu profondément à beaucoup de ses amis. Et dans la revue Estudiantine Jonction, ça c'est dans les années, après les années 60, qualifie l'ouvrage d'avatar de la négritude, avatar féministe de la négritude. Ne laissons pas toutes les Awatiam, variantes africaines du courant féministe bourgeois, dévoyer notre lutte de ses intérêts fondamentaux. Donc cet ouvrage, que j'ai trouvé très très fort, a suscité un tel tollé, on le comprend au niveau des hommes, mais un tel tollé déjà au niveau des femmes, et la réception en a été mitigée, je pense, lui donne un peu ce caractère d'exceptionnalité. Awatiam donne la parole à des personnes très très diverses. Des jeunes femmes qui ont pris la décision de quitter leur famille parce qu'elles voulaient épouser l'homme qu'elles aimaient, d'autres qui sont assez insolentes dans leur relation avec les hommes, comme cette femme nigériane qui décide de tromper son mari parce qu'il la trompe et de lui montrer que, bon, voilà, soit on construit une relation d'égalité, soit on ne peut pas construire de relation. Et puis, ce que je dirais aussi, c'est que je ne crois pas que le livre d'Awatiam ait eu l'écho qu'il méritait et que d'une certaine façon, ça nous incombe aussi aux femmes de la coordination des femmes noires, de la même façon que nous n'avons pas suffisamment travaillé à laisser des éléments pour la transmission, de la même façon, peut-être que nos différents nous ont empêchés de donner à l'ouvrage d'Awatiam et aux éléments importants ou essentiels qu'il contenait l'écho qu'il méritait. S'il y a un livre que vous voulez vraiment lire, mais qui n'a pas encore été écrit, alors vous devez l'écrire, disait Toni Morrison. Chacun à leur manière, les ouvrages d'Awatiam et Mariam Abba ont rendu compte de la véritable nature de la réalité sociale vécue par les femmes, sa complexité et sa variété. Mariam Abba décède de maladie en 1981, 2 ans après la publication de son roman « Une si longue lettre » et à la veille de la publication de son second « Le chant écarlate ». En 2 livres, elle s'est imposée comme une voix incontournable de la littérature. Œuvre féministe majeure, « La parole négresse » et « Une si longue lettre » impactent durablement les cultures francophones qui les ont vues naître et annoncent respectivement, chacun à leur manière, le passage d'une société ancienne à une société nouvelle. De même qu'un regard nouveau sur les femmes africaines. Pour moi, ce qui est extrêmement important, ce sont des femmes qui écrivent sur la société, ce sont des Africaines, également des femmes noires, sans qu'elles soient mises dans cette boîte catégorielle dans laquelle nous avons tendance à nous laisser enfermer. Mais moi, ce qui était très important, c'est que ces femmes parlent d'elles-mêmes, parlent de l'Afrique, parle de nos identités, on n'utilisait pas le terme identité à l'époque d'ailleurs, hein, c'est un terme plus récent, mais parle des différentes oppressions qui nous touchent. Moi, je trouve que c'était extrêmement important. Nous n'étions plus l'objet de la littérature coloniale exotique, mais sujet et objet de notre propre littérature. Si on regarde la littérature du XXe siècle, les femmes noires qui prennent la plume très souvent le font parce que dans l'enfance, dans la jeunesse, elles ont cherché dans la littérature des histoires qui racontaient des choses qui étaient proches de ce qu'elles vivaient ou de ce qu'elles avaient envie de lire, des choses dans lesquelles elles avaient envie de se projeter. Il y avait une recherche voilà, d'elles-mêmes qu'elles n'avaient pas et elles sont beaucoup à s'être dit « bon ben, je vais les écrire moi ces histoires-là ». Audrey Célestine. Le livre c'est quelque chose qu'on se passe, qu'on se transmet, qu'on feuillette, qu'on relit. Effectivement, le livre c'est aussi une trace. C'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose qui peut se perdre et qui se retrouve. C'est pas simplement quelque chose qui s'est dit, c'est pas juste quelque chose qui s'efface. Et du coup, d'avoir des personnages qui sont des personnages de femmes, qui sont des femmes noires, qui sont pas une espèce de duplication du même modèle stéréotypé, mais qui sont plein de femmes très très différentes. Je pense que c'est ça l'intérêt en pratique. C'est important en fait que cette diversité de femmes qui sont celles qui sont dans la vie, souvent, de ces autrices avant. Les mamans, les tatis, les grands-mères, les amis, les profs, etc. D'un coup, se retrouvent sur les pages. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que la littérature, c'est ce qui nourrit aussi l'imagination, l'imaginaire. Et c'est, enfin, je pense que c'est important pour vivre bien. Harriet Tubman. Henrietta Wood. Sojourner Truth. Lumina Sophie. Ida B. Wells. Josephine Baker. L'histoire des femmes noires est le propos de l'ouvrage « Des vies de combat ». Premier ouvrage dans son genre consacré au parcours de femmes noires et libres de l'espace francophone et français en Outre-mer. Réhabilitant des figures de femmes noires, pour certaines méconnues, la galerie de portraits établie par la chercheuse Audrey Célestine, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Lille, apporte un éclairage à la fois individuel et très universel sur des parcours de vie dont on est habituellement peu au fait. Une des raisons principales pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait. Des livres qui réunissent ainsi des femmes noires, qui ont des rapports assez différents, d'ailleurs, au fait même d'être désignées comme des femmes noires. J'avais à cœur de tenir ce que j'appelle dans la conclusion du livre, cette ligne de crête, qui est de parler à la fois d'une forme de condition commune, qui est celle de femmes racialisées comme noires dans l'histoire et qui vont se l'approprier, le mettre à distance, etc. Et puis la diversité des singularités, des vies individuelles. Et en fait, je m'énerve toujours par l'état du débat public sur ces questions. On a l'impression que tout est binaire, qu'on est soit l'un, soit l'autre. Sans être un affreux communautariste, on peut tout à fait avoir de l'admiration pour la manière dont Toni Morrison va avoir envie de créer un canon littéraire noir et en même temps aspirer à ne pas désigner ces personnages comme noirs, comme on le fait, comme dans la plupart des livres, on vous dit pas que Jean est blanc. Donc il n'y a pas de raison qu'on désigne les personnages noirs de cette manière-là. Et en même temps, elle voyait la manière de faire ça par un passage, par la création, dans son travail d'éditrice notamment, d'un canon littéraire noir. Et en fait, de tenir ensemble des choses qui sont très compliquées dans la France d'aujourd'hui, m'apparaît important. Et du coup, d'écrire un livre qui raconte des histoires avec les gens, empruntent leurs contradictions. Il n'y a pas que des femmes noires fortes et solides, et c'est pas que des parcours pathologiques, et c'est pas non plus que des héroïnes, et c'est pas que des femmes méritantes. De montrer des êtres humaines, que ça fait du bien et que c'est important. Et moi, j'ai la chance d'avoir grandi dans un endroit dans lequel les gens autour de moi me ressemblaient à peu près physiquement, donc j'étais pas une bizarrerie. Et je me rends bien compte que pour beaucoup d'enfants noir français, ben il y a cette altérisation qui est très forte, ce renvoi à un ailleurs qu'ils ne connaissent parfois pas. Hein, tu viens d'où en fait? C'est quoi tes origines? Quand on ne connaît que ben l'endroit là où on vit. Et du coup, je me dis voilà, ces choses-là, ces difficultés qu'on peut rencontrer dans la France contemporaine, dans la France d'hier, ça fait écho avec des parcours de femmes qui ont accompli des choses, qui ont tenté d'accomplir des choses par le passé. Et du coup, de réunir ces histoires-là et d'aider les uns et les autres à appréhender la question de la racialisation de manière un petit peu plus fine, un petit peu plus complexe que ce qu'on nous sert dans le débat public. C'était un objectif important pour moi. Zora Neale Hurston, Suzanne Roussy-Césaire, Claudia Jones, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Claudette Colvin, Rosa Parks, Fanny Lou Hammer, Colette Marshall, Simone Schwarzbach, Antonia Pantoja, Nina Simone, Françoise Egan, Aretha Franklin et Diana Ross, Darling Legitimus, Shirley Chisholm, Catherine Johnson. Le 26 septembre dernier, dans le 17e arrondissement de Paris, a été inauguré le Jardin Solitude. À terme, la mairie de Paris envisage d'y installer une statue à l'effigie de cette figure méconnue de la résistance des esclaves noirs en Guadeloupe. Solitude. Ce sera la première statue de femme noire dans la capitale. La question de la symbolique et de la statuaire, elle est importante. Mais trop souvent, en fait, dans notre pays, elle tend à remplacer une véritable politique de lutte contre les inégalités. Je pense que c'est bien de mettre des statues, de changer les noms de rue. Je pense que c'est mieux si on fait en sorte que les formes de racisme rencontrées par des jeunes personnes, les personnes moins jeunes aussi, identifiées comme noires dans ce pays, cessent, si les discriminations indirectes et directes cessent. Il y a tout un tas de femmes qui le mériteraient. En fait, on pourrait même faire une statue à la femme noire anonyme comme élément, voilà, qui a construit ce pays. Mais je pense que l'urgence, elle est pas tant de faire des musées et de répondre, en fait, sur le plan mémoriel. Parce que les problèmes dans la vie quotidienne des gens, ce sont des problèmes liés aux conditions matérielles d'existence, très souvent. En tout cas, il faut réussir à avoir les deux en même temps et pas juste l'un au détriment de l'autre. Et il me semble que l'incapacité à répondre sur le plan des inégalités fait qu'on répond sur au niveau symbolique. Je pense que malgré tout, toutes ces choses-là sont bonnes à prendre et qu'on arrive à une compréhension un peu plus complète de l'histoire du pays, c'est une bonne chose. Je pense que c'est loin d'être suffisant. Maya Angelina, Angela Davis, Maria Maba, Jenny Alpha, Audrey Lorde, Ina Serena Williams, Safi Faze, Cécile McKay, Michelle Obama, Olette Nadal, Gisèle Viola, Marie-Josée Perret, Green Newsom, Toni Morrison, Simone Biles, Taubira, Bintou Ndembele, Alice Diop et Mam Fatou Niang, Assa Traoré, Jeanne Leroux, Gerti Archimède. À Paris, 200 voix portent des noms de femmes. C'est plus que la moyenne nationale, mais c'est toujours très peu face aux 4000 voix qui portent des patronymes masculins dans la capitale. Et parmi ces 200 voix qui portent des noms de femmes, il en est une du côté du 12e arrondissement qui porte le nom d'une femme noire. Alors Gerti Archimède, c'est une avocate et une femme politique guadeloupéenne qui est l'une des premières femmes noires à entrer à l'Assemblée nationale. Elle est l'une des premières parce qu'en fait avant elle, il y a Eugénie Eboué-Tell, la veuve de Félix Eboué, qui rentre à la Constituante, mais ensuite, pour la première assemblée de la 4e République, c'est Gerti Archimède, qui est avocate, qui va être une élue ensuite en Guadeloupe, qui est très importante, qui va défendre Angela Davis aussi, et dont Angela Davis parle dans ses mémoires, et qui voilà est une figure importante de l'égalité des droits, du combat des femmes, du combat anticolonial aussi. Alors, en Guadeloupe, les gens connaissent Gerti Archimède, mais c'est vrai que elle fait partie des figures qui méritent d'être connues au-delà des limites de la Guadeloupe. Brie Newsom, Angela Davis, Jenny Alpha, il y a cette hymne militant des femmes qui dit que nous n'aurions pas d'histoire. Si cela est vrai pour les femmes, ça l'est encore plus pour celles qui sont noires, qu'il s'agisse de leur contribution dans l'espace public, littéraire, culturelle ou politique. L'histoire semble s'entêter à oublier leur nom. Déjà dans l'histoire du féminisme en France, on oublie de manière générale ce qui a pu se passer dans le monde colonial et que toutes ces histoires-là, effectivement, elles ne sont pas sues, elles ne sont pas répétées. Je pense que la question de pourquoi est-ce que ce n'est pas davantage relayé, c'est à la fois que beaucoup d'histoires sont vues de manière extrêmement masculine, qu'on regarde surtout le rôle des hommes dans l'histoire. C'est vrai que depuis un moment, on fait des archives et on regarde l'histoire et on désigne comme politique des choses qui n'étaient pas forcément envisagées comme telles à d'autres moments. Tout ça contribue à l'expliquer qu'il y a aussi des formes d'invisibilisation des paroles féminines qu'on voit dans le mouvement pour les droits civiques, qu'on voit dans un certain nombre de mouvements en France. Il y a quand même un phénomène depuis quelques années maintenant, par exemple, typiquement la manière dont Case Rebelle relaie un certain nombre de travaux. Case Rebelle, c'est un groupe militant qui est afroféministe et qui a une production en fait militante et de savoir en fait très importante et qui fait ressortir un certain nombre d'histoires de façon assez informée hein, en lisant les travaux académiques, etc., qui n'ont pas forcément été très publicisés sur un certain nombre de questions et d'enjeux. Et c'est vrai qu'on est à une période à laquelle on est à la fois noyé par les informations, mais c'est aussi une période qui permet en fait un accès à des savoirs et des échanges entre gens. Tout ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles on entend davantage parler de ces histoires-là maintenant. L'histoire du féminisme français, incarnée par des femmes noires, comporte lui aussi ses zones d'oubli. Au cœur du mouvement des droits des femmes du milieu des années 70, une autre histoire dont on entend parler davantage depuis peu est celle de la coordination des femmes noires, premier mouvement féministe noir en France. Poétesse, dramaturge et metteuse en scène, Gertie Dambury a rejoint la coordination des femmes noires fin 1977, au moment de la première grande rencontre organisée dans le 20e arrondissement de Paris par le collectif. Notre spécificité de la coordination, c'est que on utilise aujourd'hui beaucoup le terme intersectionnel, il faudrait revenir sur sa définition exacte, mais la coordination des femmes noires posait des questions en termes d'intersectionnalité. Le mot d'ordre de la coordination, c'était dans les colonies, les néocolonies, nous subissons une triple oppression en tant que femmes, en tant que classe, en tant que race. Nous posions les trois objectifs ensemble. Et les questions qui nous intéressaient aussi à l'époque, c'était la place des femmes migrantes, ces personnes qui n'étaient pas considérées comme des citoyennes du pays, quel était leur sort? Elles étaient illettrées en français, elles ne savaient pas écrire le français, elles ne savaient pas le lire. À un moment, toutes ces questions que nous posons en même temps, la colonisation, la décolonisation, la néocolonisation, la question de l'apartheid, la question de la place des femmes immigrées, la question de ce qui se passe dans nos pays, hein, parce que nous sommes sur deux pieds. Et donc il y a une richesse de l'interrogation, une multiplicité des questionnements qui ne seront pas vus, non seulement par le mouvement féministe, mais par les autres mouvements politiques de l'époque. On reste quand même dans l'idée jacobine d'une France unique avec un centre qui décide de tout et de ce point de vue-là, femme antillaise, militante féministe posant la question du colonialisme qui se perpétue, ça pouvait pas être entendu. Si aujourd'hui, dans les milieux féministes et antiracistes, la non-mixité de collectifs de femmes noires soulève des interrogations, voire de l'incompréhension, la coordination des femmes noires a pu en son temps se déployer sans remous. Dans les années 70, le mouvement féministe mainstream, si je peux dire, il était en permanence attaqué et il devait en permanence se défendre. Ça, il faut le poser pour comprendre déjà la difficulté qu'avait le mouvement féministe mainstream à exister. Elles ont déjà du mal à faire comprendre la nécessité du mouvement féministe, mais elles relaient en même temps la pensée de leur groupe. Et dans la pensée de leur groupe, il y a entre autres le fait qu'il ne faut pas saucissonner les luttes et que la lutte des classes, ok, mais on va pas en plus y rajouter la race, etc., etc. Bon, ok. Ce sont des explications politiques, hein. Ce sont pas des explications, je crois, qu'il faut prendre comme de l'ignorance ou du désintérêt. Il y a des prises de position politiques, d'organisation derrière, et qu'il faut remettre en évidence, hein. Pour ce qui est de la coordination des femmes noires, la coordination des femmes noires en soi n'a pas été attaquée comme aujourd'hui est attaquée l'organisation Moissy par des féministes qui se disent universalistes. Je crois que globalement, elles ne nous voyaient pas. Et elles ne nous ont pas démolis, elles n'ont rien fait pour nous tuer, elles n'ont rien fait pour nous faire taire, parce qu'elles ne nous regardaient pas. Il y en avait peut-être deux, trois femmes comme ça, qui ont relayé, fait un article sur « Tiens, il y a une coordination des femmes noires qui s'est créée, qui s'est réunie à la GECAP ». Mais dans le global, on n'avait aucune espèce de regard pour ce qui était quasiment invisible. Négresse, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Négresse, que deviendras-tu? Je suis une femme, je suis une immigrée, je suis coupable. Je suis celle à qui on dit « tes papiers ». La loi veille dit « n'avorte pas ». On me dit « respecte les lois ». On me dit « tais-toi ». On me dit « pas de travail pour toi ». On me dit « reste chez toi, chez moi ». Afrique militarisée, Afrique des enfants tués, Afrique affamée, mais dont le cacao, le café, le coton, l'arachide, l'uranium engraissent les Français. Chez moi, Antilles des hôtels et des clubs, Antilles des plages et des marchés colorés, Antilles. Antilles, nous nous sommes exportés par cargos entiers, Antilles où les Français viennent se délasser. Exploités dans le monde, asservis en France, prostitués par ta famille, répudiés par ton mari, négresse, virgule, il est temps. Négresse, oh, regroupons-nous. Manifeste de la coordination des femmes noires, Paris. 1976. Dans la coordination des femmes noires, il y a Maria Kalalobé. Maria Kalalobé, il va falloir que quelqu'un s'y intéresse un jour. Maria Kalalobé, c'est une militante camerounaise arrêtée par Aïdjo, emprisonnée, maltraitée, voire torturée. Son mari est resté emprisonné pendant je ne sais combien de temps et qui arrive à sortir du Cameroun parce que il y a des femmes françaises qui étaient avec elle à l'école normale et qui mènent un combat pour la sortir de là. Et elle arrive à Paris et crée la coordination des femmes noires. C'est pas rien. Et de cette femme, on ne parle jamais. Elle était journaliste, elle a écrit une bonne partie des articles des brochures de la coordination des femmes noires. Bon, moi, je n'en ai plus qu'une. Je sais pas, les autres ont péri avec un cyclone Hugo. Mais parlons d'elle. Parlons d'elle. C'est une femme qui était une militante panafricaine aussi, qui a beaucoup milité à propos de ce qui se passait en Afrique du Sud à l'époque, l'ANC, etc. Et voilà, elle mérite d'être nommée. Et les autres femmes de la coordination des femmes noires aussi. À Ouattiam, on vient d'en parler, mais Maria, Kalalobé, Béatrice Elhomme, Françoise Elhomme, Epoupa Missipo et d'autres. Béatrice Ngoma, voilà. Bon, retrouvons ces gens et faisons-en quelque chose de l'histoire de ces femmes-là. Il n'existe pas en France de corpus littéraire afropéen. Il est fort peu probable que la cause soit un analphabétisme généralisé. Après m'être entendu dire par mon premier éditeur que les personnages afropéens n'étaient pas universels, les subsahariens l'étaient pourtant, qu'ils n'existaient même pas et que continuer à en créer nuirait à ma carrière d'auteur international, j'avoue soupçonner la profession de ne pas faire de place à ces textes lorsqu'ils lui parviennent. Parce que l'idée que l'on se fait des personnes d'ascendance subsaharienne les renvoie à une extranéité de fait, il est exigé que leurs propos aient à voir avec des ailleurs. Ils peuvent avoir passé toute leur vie en France, leur propos littéraire sera toujours mieux reçu s'ils racontent des vacances passées dans un village sahélien auprès d'une grand-mère dont la cabane ne disposait pas de sanitaire. Ce serait encore mieux qu'ils aient connu la guerre enfant, gagné pour cette raison une France salvatrice et que le sujet de l'histoire ne soit pas l'arrivée dans l'Hexagone, mais des réminiscences du paradis subsaharien d'avant la tourmente. Les auteurs subsahariens sont mieux reconnus en France que ne le sont les afrodescendants. Les mieux représentés dans cette catégorie étant les Haïtiens, ceux qui boutèrent les Français de leur île, ceux dont le pays n'est pas un département français. Il est heureux que le talent de tous soit reconnu et que la France s'honore de cette ouverture. Cependant, le mutisme imposé à l'afrodescendance européenne devrait interpeller. C'est aussi parce que cette présence afropéenne est rendue inaudible, parce qu'elle ne peut pas se dire qu'elle est considérée comme ne faisant pas partie du roman national. La France se connaît à travers sa littérature. Celle-ci est à la fois son miroir et son testament. Le silence qu'il faut briser concerne toutes les minorités françaises. Il faudrait sérieusement savoir pour quelles raisons la France européenne n'a pas enfanté sa Toni Morrison ou même sa Zadie Smith, des plumes trempées dans l'encre d'un vécu reflétant celui du pays. Afropéa, Léonora Miano, Paris, 2020. S'il était possible en 1978 et en 1981 de trouver en français et en anglais des ouvrages écrits par une Afro-américaine et une Africaine sur le féminisme, aujourd'hui, ce serait beaucoup plus difficile dans les rayons des librairies en France ou ailleurs. De Chimamanda Ngozi Adichie à Roxane Gay, en passant par Reni Edo Lodge, les nouvelles pages du féminisme écrites par des femmes noires sont anglophones. Cette prévalence du récit féministe noir américain devrait pourtant interroger. En fait, l'empreinte du féminisme noir américain, elle est forte pour plusieurs raisons. La première, c'est l'absence d'intérêt de l'édition française pour ce qui se passe au niveau du féminisme noir francophone. Quel intérêt est-ce que l'édition aurait eu à cette époque-là à nous publier ? Moi, j'ai eu toutes les peines du monde à me faire publier par des maisons d'édition, sauf éventuellement si j'entrais dans le cadre de la francophonie. Et c'est pour ça qu'assez rapidement, j'ai décidé de ne plus demander à être édité par des maisons d'édition françaises. Il y a des cases. On avait mis les Africains généralement dans la case qui correspondait à la dénonciation des dictatures. Et puis, quand il y a plus, au 2010, allez, allons jusqu'à 2010, quand on ne dénonce plus les dictatures, il n'y a plus de littérature africaine, bizarrement, on dirait. Moi, je vois que les autrices noires américaines sont mises en évidence, et avant elles-mêmes les auteurs, comme James Baldwin ou Richard Wright, etc., parce que le racisme, c'est américain, c'est pas français. Il est facile de diaboliser, et jusqu'à aujourd'hui, de dénoncer le racisme aux États-Unis et de chercher à offrir à la France une certaine virginité. Aujourd'hui, il y a un autre mouvement. On a des maisons d'édition comme La Découverte ou La Fabrique qui publient des choses, des textes écrits par des femmes noires. C'est très bien. Mais il y a encore du travail et il aurait été possible, je disais tout à l'heure, simplement par exemple, faire une compilation des textes écrits par Maria Kalalobé dans les journaux, dans le Journal Sans Frontières, dans Libération, etc. Et puis d'en faire un ouvrage, c'est pas difficile à faire. Donc, sur l'empreinte du féminisme noir américain, moi aussi, j'ai dit bon, c'est bon, ras-le-bol là maintenant, parlons de ce qui se passe ici. Mais en même temps, oui, c'est ce qui est publié. C'est ce qui est mis en avant, mis en exergue. C'est ce qu'on me demande aussi de venir expliquer, défendre, présenter, etc. Pourtant, il y a de jeunes poétesses comme Kiyemis qui a écrit un recueil d'ouvrages dans lequel elle rend hommage à un certain nombre de femmes noires, dont moi, je suis assez fière d'ailleurs, et on n'en entend pas tellement parler jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc il y a tout ce travail-là à faire. Il y a de notre part, quelque chose à faire pour la transmission. Partout où la parole des femmes hurle pour être entendue, nous devons endosser nos responsabilités et aller au-devant de cette parole, la lire, la partager et en connaître la pertinence appliquée à nos vies. Ne nous réfugions pas derrière les divisions trompeuses qui nous ont été imposées et que si souvent nous reprenons à notre propre compte du style « Je ne peux absolument pas donner de cours sur les auteurs noirs, leur expérience est tellement loin de la mienne. » Et pourtant, depuis combien d'années enseignez-vous Platon, Shakespeare ou Proust ? Ou bien, c'est une blanche et je vois vraiment pas ce qu'elle aurait à me dire. Ou bien, c'est une lesbienne, que va dire mon mari ou mon prof ? Ou encore, cette femme parle de ses fils et je n'ai pas d'enfant. La liste pourrait encore s'allonger avec toutes les manières que nous avons de nous priver de nous-mêmes et des autres. Journal du cancer, Audrey Lorde, Genève, 1998. Pensez à mettre en valeur l'autre. penser à faire connaître ce qui a été écrit ou créé ou pensé par certaines, faire circuler la pensée, faire circuler la parole, y compris si on n'est pas d'accord, y compris si on a des points de désaccord, parce que c'est à partir des points de désaccord que on pourra se propulser ou faire émerger une nouvelle façon de regarder les choses. Donc je dis à la fois ça et à la fois que on peut pas juste être noir. Pas juste être noir, c'est pas suffisant. Moi je suis pas que noir. Je suis femme anticapitaliste, révolutionnaire, décoloniale, etc. On peut en rajouter autant qu'on veut. Et je suis tout ça en même temps. Donc je ne peux pas juste dire femme noire, fille noire, allez, unissons-nous. C'est pas suffisant d'être juste noire, d'accord? Mais il n'empêche que il y a le minimum de solidarité face à l'adversaire. Et que, comme on disait autrefois dans ma jeunesse, il y a les contradictions principales et les contradictions secondaires. Et que c'est dans cette formation politique-là, qui a un peu disparu, que on peut à nouveau creuser pour savoir à quel moment on peut travailler au corps cette solidarité ou cette sororité et à quel moment elle doit s'arrêter. Une noire peut en cacher une autre. Réalisé par Marie-Laure Ciboulet avec Fatousso, Penaï Traoré, Eliana Issi, Pamela Oene Niako, Gerti Damburi, Diritu Diallo, Dei Fatoukan, Traoré Bintou Mariam, Marie-Angélique Savané, Audrey Célestine. Lecture par Rose Martine et Sabine Pacora. Prise de son, Éric Boisset, Olivia Branger, Fabien Capel, Inès De Bruyne, Catherine Déréthé, Dauphard Guéride, Hélène Langlois, Marie Le Peintre, Philippe Mercher, Bruno Mourlan, Claude Nior. Mixage, Cédric Châtelus. Coordination, Marie-Yvonne Abolivier et Perrine Kervran. Je suis noire et je n'aime pas Beyoncé, une série d'Axel Jeanne Jiquet. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à la Martinique, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, à la recherche des icônes noires. Mais en attendant, restez à l'écoute.